Real, malheureusement sinistrée. Au sport football, la 7e journée des playoffs 1 s'achève ce soir avec le match au sommet entre le club brugeois et Anderlecht au Yann Bredel Stadium. Oui. Non, pas 3 euros. Plusieurs fois, je vais aller.